Dossier 6. Leçon 2. Activité 8. Dorothée, vous nous parlez de quoi exactement aujourd'hui ? De l'espace. Parce que l'espace nous attire toujours. Alors, nous vous avions parlé il y a quelque temps de voyage dans l'espace avec Virgin Galactic, qui voulait programmer des vols pour l'espace. Et une autre société qui prévoyait de construire un hôtel dans l'espace. Eh bien, maintenant, un nouveau projet est à l'étude. Dites-nous tout, Dorothée. On est impatients de savoir. Voilà. Une entreprise japonaise, responsable d'une des tours les plus hautes du monde, envisage de concevoir d'ici 2050 un ascenseur pour se rendre dans l'espace. Le projet a pour but d'emmener les voyageurs à la limite de l'atmosphère, dans une station d'arrivée à 36 000 km de la Terre, composée d'un lieu de séjour et de laboratoires de recherche. Super! Et il y aura de la place pour moi, vous croyez? D'après les dernières données, l'entreprise japonaise prévoit de construire une cabine pouvant héberger 30 personnes. La durée du voyage pour arriver à la station est estimée à une semaine, et l'ascenseur se déplacerait le long d'un câble à une vitesse de 200 km/h. On a une idée du prix de ce petit voyage ? C'est là que les choses se compliquent. D'après un physicien japonais, le principal problème serait effectivement le coût de ces voyages dans l'espace. Ce scientifique a même calculé que chaque kilo envoyé dans l'espace coûterait environ 4 000 €. Et il y a beaucoup d'amateurs pour vivre ce genre d'expérience ? Apparemment, l'idée séduit certains, mais n'enthousiasme pas tout le monde, à en croire ces témoignages recueillis dans la rue. Écoutez. J'ai toujours été fasciné par l'aventure spatiale. Si le projet se réalisait, je serais volontiers candidat au voyage dans l'espace, mais j'attendrais que les tarifs soient plus raisonnables. Moi, je trouve que ce projet n'est pas raisonnable parce qu'il conduirait à dépenser des milliards. Si j'étais à la place des gouvernements, j'investirais plutôt cet argent dans la recherche médicale. Ce serait plus utile.